Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, Gaumet du Pré 1860. Question 48. De la distinction du bien et du mal. Le mal n'est pas une nature, mais il est la corruption de la nature, il est dans les choses et il existe dans un bien comme dans son sujet, ses effets. Division du mal en faute et en peine. 1. Le mal est-il une nature? Pour définir le mal, il faut se reporter à l'idée du bien, car les contraires se connaissent par les contraires. La lumière, par exemple, nous sert à définir les ténèbres. Le bien, nous l'avons reconnu, est tout ce qui est désirable. Or, comme les créatures veulent leur être et la perfection de leur être, le bien consiste dans l'être et la perfection de l'être. En conséquence, le mal n'est pas un être, une substance, une nature. Qu'est-il donc? Il est une certaine absence du bien dans les êtres. Note. Si l'on veut y regarder de près, le mal est la privation du bien que les créatures doivent avoir. Je dis la privation, car l'absence purement négative du bien n'en offre pas le caractère, ou il faudrait dire que les choses qui n'existent pas sont mauvaises. L'homme n'est pas mauvais parce qu'il n'a ni la vitesse du cerf, ni la force du lion. Le mal moral existe dans un certain bien, qui, privé d'un autre bien, à savoir de sa fin légitime, est uni à une fin illégitime. La jouissance des sens, par exemple, est un bien en soi, mais l'intempérant, qui la veut hors de l'ordre exigé par la raison, la prive de sa fin légitime. Il ne se propose pas cette privation, sans doute, car le mal n'a par lui-même rien qui sollicite les désirs de la volonté, mais il recherche une satisfaction désordonnée. Fin de la note. 2. Le mal se trouve-t-il dans les choses que Dieu a faites? De même que la perfection de l'univers exige qu'il y ait des êtres incorruptibles, elle demande aussi qu'il existe des êtres sujets à la corruption qui puissent perdre et qui perdent parfois leur bonté. L'idée du mal consistant précisément dans cette défaillance de la nature et dans cette privation du bien, il est manifeste que le mal se trouve dans les choses que Dieu a faites, au même titre que la corruptibilité. Note. La nature, l'homme et Dieu même font toujours ce qu'il y a de meilleur pour l'ensemble de leurs œuvres, mais non ce qu'il y a de meilleur pour chaque partie, si ce n'est en tant que les parties se rapportent au tout. Or, l'ensemble de l'univers veut que certaines créatures puissent s'écarter du bien et s'en écartent en effet avec la permission de Dieu, qui ne s'y oppose pas, d'abord, parce que sa providence conserve les natures sans les détruire, ensuite, parce qu'il est assez puissant pour tirer le bien du mal. S'il ne souffrait pas quelques maux dans ses ouvrages, il détruirait beaucoup de bien. Verrait-on, sans l'injustice et la violence, le zèle des magistrats et la patience des martyrs? Fin de la note. 3. Le mal est-il dans le bien comme dans son sujet? Le mal, a dit saint Augustin, n'existe que dans un bien. La privation du bien constitue le mal, comme la privation de la vue constitue la cécité. Or, le sujet de la privation est l'être même, qui est un bien. Donc le mal a pour sujet un bien, c'est-à-dire un être qu'il prive d'un bien. Note. Est-ce à dire que le bien soit le mal et que le bon soit mauvais? Non, sans doute, le mal est l'absence du bien que les êtres devraient avoir. Fin de la note. 4. Le mal détruit-il toutes sortes de biens? Le mal, répond saint Augustin, ne peut détruire la totalité du bien qui lui sert de sujet. Il y a trois sortes de biens, L'un est opposé au mal, l'autre lui sert de sujet, le troisième est l'aptitude du sujet à l'action. Le bien qui est opposé au mal est une qualité que le mal peut détruire complètement, la cécité détruit la vue, et les ténèbres la lumière. Le bien qui sert de sujet au mal, l'être lui-même, n'est ni détruit ni diminué par le mal. L'aptitude de l'être à l'action est diminuée par manière de relâchement, dans le sens que, subjuguée par des forces nombreuses et rebelles, elle cède la place à des dispositions contraires. Observons, cependant, qu'elle n'est jamais complètement anéantie, car, quelle que soit la puissance des forces qui l'envahissent, elle existe toujours dans son principe, qui est la substance même de l'être. Note. Mettez, par exemple, une infinité de corps opaques entre l'atmosphère et le soleil, vous diminuerez au-delà de toute appréciation la lumière qui nous éclaire, mais tant que l'atmosphère, qui est diaphane de sa nature, aura l'existence, elle conservera la capacité de recevoir la lumière. Eh bien, de même, si vous augmentez le mal indéfiniment, vous diminuez votre aptitude au bien, mais vous ne la détruisez pas radicalement, parce qu'elle tient à la nature même de notre âme. Fin de la note. 5. Le mal est-il bien divisé en peine et en faute? Oui, pour ce qui est des choses où la volonté intervient, parce que, le bien étant l'objet exclusif de la volonté, le mal, son contraire, existe d'une manière particulière dans les créatures raisonnables, qui ont le libre arbitre. Il est certain que le mal qui prive un être de sa forme et de son intégrité, nous offre l'idée de peine quand nous réfléchissons que tout ici-bas est soumis à la providence et à la justice divine. Il est également certain que le mal qui enlève à une opération volontaire la rectitude qu'elle doit avoir, emporte l'idée de faute, car on devient coupable du moment où l'on s'écarte de la droiture dans les actions dont on est maître. Voilà comment, dans les choses volontaires, le mal est une peine ou une faute. 6. La peine est-elle un plus grand mal que la faute? La faute est évidemment un plus grand mal que la peine, puisque Dieu a établi la peine pour prévenir la faute. Le sage choisit toujours un moindre mal pour en éviter un plus grand. D'abord, la faute rend l'homme mauvais, et il n'en est pas ainsi de la peine. Être puni, disait très bien Saint Denis, n'est pas un mal, mais mériter la peine en est un. Ensuite, Dieu n'est jamais l'auteur de la faute, bien qu'il le soit de la peine. La faute, qui est opposé à l'accomplissement même de sa volonté et à son amour, s'attaque directement au bien incréé, et non pas seulement à la participation qui nous en est faite. Markandanarchive.org 2020, extrait du tome 1er, d'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.